Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Oh là là. Allez. Bonjour, bonjour les amis. Salut. Bonjour. Salut. Alors, comme vous l'avez certainement constaté en lisant la rubrique nécrologie des journaux français de tradition, Jean-Marc Thibault nous a quittés il y a quelques jours. Et avec lui, je dois bien l'avouer, un pan entier de mon innocence. Oh, qu'est-ce qui t'a fait, Jean-Marc Thibault? Qu'est-ce qui t'a fait à ton innocence? Parle, un truc inavouable, ça s'est passé en Belgique? Non. Calmez-vous, Leïla. Je vous ai dit que si une personnalité publique s'en prenait à ma pudeur, vous auriez le scoop. Ouais. Ce que Daniel Morin a essayé de me faire, j'ai vérifié en tant que tel, c'est pas répréhensible d'un point de vue purement légal. Donc patience, on l'aura. Mais patience. Donc réussis tout ça simplement. Pendant un moment, j'ai un ami dont je tairai le nom, mais dont le patronyme finit par Hermo Guiz, qui s'amusait à plaisanter en société sur ces personnalités qu'on croit disparues, mais qui ne le sont pas encore. Vous savez, ce genre de blague, là, Daniel Darieux, 10 ans déjà, Charnas Zavour, chante avec les nuages, petit ange, etc. On fait ça tout le temps autour de cette table. Ils les enterrent tous les jours. On fait ça tout le temps autour de cette table sous l'impulsion de Nagui, naturellement, dont c'est la forme d'humour préférée avec les blagues sur la communauté homosexuelle. Et je m'en veux, c'est vrai, moi j'étais un type bien avant de vous croiser ici, et depuis je ne suis que la fange de moi-même. Alors en l'occurrence, j'ai fait des vannes pendant des mois sur le fait que Jean-Marc Thibault était mort. Et là, du coup, il est vraiment mort. Et je me sens triste. Honte sur toi. Je me sens triste comme le dernier tuc du paquet. Parce que sa disparition nous rappelle que le temps passe. Et toujours dans la même direction, c'est unilatéral, parfaitement prévisible et foutrement irrévocable en fait. Ça m'étonnerait que dans 10 ans, on voit débarquer Jean Dormesson sur le plateau du JT avec deux bimbos russes, un cigare et des Santiac, en criant 100 ans, putain, c'est le nouveau 30 ans, j'ai une sépatate, mon petit pijadas. Et puis que je soulève de la fonte et que je cours 8 km par jour, je pourrais bouffer un cheval. Non, bah, ça va pas se passer comme ça, déjà parce que pijadas n'y sera plus, lui aussi. Victime du temps qui passe, leader unique et invaincu de ce grand sport cruel qu'on appelle la vie. Et je tiens à remercier Eric-Emmanuel Schmitt, sans qui cette formule n'aurait jamais pu voir le jour. Mais c'est vrai, on peut rien faire contre le temps qui passe et qui nous emmène inéluctablement vers la fin. Pas vrai, Maréchal? Affirmatif. Ah ben voilà, c'est aussi pour ça que, comme vous, moi j'ai un petit peu mal au cœur pour Jean-Marie Le Pen en ce moment, vraiment. Ouais. Alors je vais être très clair, j'ai pas de sympathie particulière pour Jean-Marie Le Pen. Ma période fasciste, je l'ai eue comme tout le monde, j'en suis revenu. Aujourd'hui, je peux regarder des bottes dans un magasin sans la moindre nostalgie. Voilà, c'est ce que j'ai appelé ma crise de la trentaine. Maintenant, je suis passé à autre chose et je voudrais qu'on me laisse tranquille avec ça. Mais dans cette configuration précise, celle de la brouille avec sa fille, je trouve ça un peu triste. C'est triste que le temps joue si froidement en faveur de Marine Le Pen. Le vieux Le Pen, dans 5 ans, il aura 1000 ans. Il pourra jamais plus renverser la situation. On sent bien que plus le temps passe, plus leur contentieux va se régler de lui-même. En fait, c'est terrible. Et je promets, c'est dur d'avoir de la compassion pour un type comme Le Pen. Je crois que je le verrai dans la pire situation du monde, genre enfermé par l'État islamique dans la guitare de Christophe Maé. Le truc que tu souhaites même pas au type qui t'a volé ton auto. Eh ben, j'aurais du mal à l'aider. Mais là, face au temps qui passe, on redevient tous des amas de cellules impuissants. Regardez Francesco Totti, par exemple, footballeur mythique de la AS Roma. Énorme. Chaque année, on se disait, ça va être la dernière, tu vas voir. Ça va. Et ben là, vraiment, c'est la dernière. Il a été proche de 40 ans, un âge auquel je suis même pas sûr de pouvoir assurer une quelconque forme de turgescence en cas de rencontre romantique à forte teneur en conclusion horizontale. Ça porte le respect. Mais là, c'est vraiment fini. C'est pareil pour Fabrice Santoro. Et je m'en veux de vous citer si près de ma turgescence et de Christophe Maé. Mais je doute que vous puissiez, vous, décider dans 15 ans, tout d'un coup, de revenir au tennis pro pour aller apprendre les manières à la nouvelle génération. C'est vrai, le temps est trop fort pour nous, les amis. Le temps est trop fort. C'est pour ça que je dis, on critique beaucoup l'alcool, mais ça permet quand même d'oublier pas mal le truc. Pas vrai, Lila? On est bien d'accord. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. France Inter, Nagui, la bande originale.